On entend parler de loin d'un projet d'une équipe de la East Coast à Trois-Rivières. Ça fait au moins 2 ans qu'on entend parler qu'il y a un projet. Puis on sait qu'à Trois-Rivières, il y a un nouvel amphithéâtre maintenant. Et on parle que le Canadien pourrait être associé à cette équipe-là. Le Canadien qui n'a pas l'équipe de la East Coast à Trois-Rivières. Et là, il y a toutes sortes de rumeurs. Ça commence à ressembler pas mal à un Romain Savon, ce qui se passe là-bas. Et on en parlait avec Claude Boucher de Cogeco Trois-Rivières. Salut Claude! Salut, Danny. Claude, explique-moi tout ce qui se passe depuis le début. Je suis ça de loin. Là. Il y aurait un promoteur du nom de McDonald qui serait dans le décor, qui lui se dit associé aux Canadiens, puis le Canadien semble pas trop vouloir s'afficher avec lui. Je sais pas, ça semble bizarre ce projet-là, de loin, là. Vu ça de loin. Bon. Écoute, Danny, je vais faire la lumière sur le projet de la East Coast League à Trois-Rivières. D'ailleurs, le projet qui a été présenté cet avant-midi aux membres du conseil municipal de Trois-Rivières par l'homme d'affaires terre-neuvien Dean McDonald. Ah, c'est lui, OK. Et également, il était avec son bras droit Glenn Stanford et Marc-André Bergeron, ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey, qui est originaire de Trois-Rivières. Petit portrait sur Dean McDonald avant d'aller plus loin. C'est déjà quelqu'un qui est impliqué dans la East Coast League parce qu'il est, je le disais tantôt, originaire de Terre-Neuve. Et à Saint-Jean-Terre-Neuve, il est propriétaire des Gourlers de Saint-Jean, l'équipe championne de la Ligue de la East Coast League. Alors, lui voudrait avoir une deuxième équipe dans la ECHL et voudrait l'implanter du côté de Trois-Rivières. Alors, lui, depuis déjà un bon bout de temps, manifeste son intérêt pour le nouveau Colisée, qu'il est d'ailleurs venu visiter au cours des derniers mois dans le cadre d'une visite privée avec des dirigeants de la ville. Ouais. Là, maintenant, Danny, l'implication du Canadien de Montréal. Tu l'as dit, le Canadien n'a pas d'équipe affiliée dans la East Coast League. Les joueurs qui sont dans ce niveau inférieur à la Ligue américaine sont répartis dans plusieurs équipes. Et lorsqu'ils sont rappelés, bien, c'est le Rocket de Laval qui les rappelle, parce qu'il faut mentionner, la East Coast League, c'est un peu le niveau club-école du club-école du Canadien de Montréal. Donc, les gens du Canadien ont déjà dit publiquement qu'ils verraient d'un bon œil d'avoir une équipe de la East Coast League à 150 kilomètres de Montréal à peu près. Alors, ce serait du côté de Trois-Rivières. Mais là, dans les derniers jours, en fait, hier, pour être plus précis, l'Organisation du Canadien a fait savoir par voie de communiqué qu'il n'y aurait pas d'implication auprès, ben, en fait, dans le projet de l'homme d'affaires Dean McDonald, tant que McDonald n'aurait pas une entente signée avec la ville de Trois-Rivières. Okay. Alors là, évidemment, McDonald n'a pas d'entente ni avec la ville, ni avec le Canadien de Montréal. Alors, c'est effectivement un peu compliqué. Et là, on n'a pas commencé à parler du projet des Patriotes de l'UQTR non plus. Ouais, ouais. OK. Puis là, c'est quoi l'histoire que on voulait seulement que ce soit les Patriotes qui soient l'unique et seul locataire du nouvel amphithéâtre? Bon, là, dans le camp des Patriotes de l'UQTR, il semble y avoir dissension. Parce qu'il faut mentionner que sur la table, là, il y a deux projets pour une équipe qui serait le principal occupant du nouveau Colisée Trois-Rivières. D'un côté, le projet des Patriotes de l'UQTR, puis de l'autre côté, celui de la East Coast League dont on vient de parler. Le projet des Patriotes de l'UQTR, celui qui chapeaute ce projet-là, c'est le recteur de l'université, Daniel McMahon. Okay. C'est lui qui a fait la présentation au conseil municipal il y a de cela 2 semaines, accompagné, entre autres, de Marc-Étienne Hubert, qui est l'entraîneur et de quelques autres personnes de l'université. Mais dans le camp des Patriotes également, on a créé il y a quelques mois ce qu'on appelle un comité aviseur qui doit aider à trouver des hommes d'affaires qui viendraient augmenter le financement de l'équipe de hockey des Patriotes et le financement, oui, l'aspect marketing également. Ça, ce comité-là, ce ne sont que des bénévoles qui sont là-dedans et c'est dirigé par le président et chef de la direction du Cirque du Soleil, Daniel Lamar, qui est un gars qui est originaire de la Mauricie. Mais Daniel Lamar, s'il a un rôle important à jouer là-dedans, il n'a pas de rôle de décision, lui, dans le dossier des Patriotes de l'UQTR. Il n'est qu'un bénévole. Puis d'ailleurs, il a envoyé une lettre hier aux médias disant « Je ne suis qu'un bénévole. Ce n'est pas moi qui décide. C'est Daniel McMahon qui mène le dossier et c'est le conseil municipal qui va décider. » Sauf que il n'a pas à être que bénévole quand il s'exprime dans ce dossier-là. Il est PDG, président et chef de la direction du Cirque du Soleil. Alors, c'est pas n'importe qui s'exprime là-dedans. Maintenant, concernant la cohabitation, Daniel Lamar, lui, a dit qu'il n'en était pas question, tandis que Daniel McMahon, le recteur de l'UQTR, lui, s'est montré quand même relativement ouvert à une cohabitation avec l'équipe de la East Coast League. Okay. Et du côté du projet de la East Coast, à la fois Dean McDonald et Marc-André Bergeron ont encore répété aujourd'hui qu'ils étaient ouverts à partager le Colisée de Trois-Rivières. Maintenant, le point avec le Colisée, c'est que c'est un amphithéâtre qui, selon les plans, qui est presque terminé, là, ça va être ouvert à l'automne prochain. Les plans prévoient seulement qu'un vestiaire pour une équipe majeure, c'est-à-dire avec les aménagements là, pour les équipements d'entraînement, les bureaux d'entraîneurs et puis tout ça. Les autres vestiaires, ce serait un des vestiaires pour le hockey mineur et un vestiaire plus grand pour les équipes visiteurs. Je fais la comparaison, Danny. Ce sera un petit peu comme ce qu'on a à Shawinigan avec le centre Gervais-Roto. Ouais. Où il n'y a qu'un vestiaire pour une équipe locale, celle des Cataractes de Shawinigan. Le reste, c'est des vestiaires de différentes grandeurs, dont entre autres les visiteurs de la Ligue junior majeure du Québec. Ce serait comme ça du côté de Trois-Rivières. OK. Mais est-ce qu'il y a moyen d'améliorer ça? Est-ce qu'il y a moyen de changer un peu les plans? J'imagine que oui, parce que... Écoute, ouais. Les plans, c'est un peu tard pour être changé parce que le Colisée, il est presque terminé. Là. Okay. L'ouverture se fait dans quelques mois à peine. Par contre, il y a l'ancien directeur des loisirs de la ville de Trois-Rivières, Jean-Marc Bergeron, qui s'est exprimé sur le sujet, lui, cette semaine. Puis lui, il ne pouvait pas s'expliquer qu'on ne puisse pas aménager des vestiaires pour deux équipes majeures. Il dit, si y a juste un vestiaire prévu pour une équipe majeure, ben, on a juste à prendre deux petits vestiaires un à côté de l'autre, on abat un mur, puis ça fait un grand vestiaire. Mais là, ça, Danny, ça, c'est lui qui le dit. Moi, je connais pas les plans de la façon dont c'est aménagé. J'ai pas vu l'intérieur de la bâtisse, parce que les médias, on n'a pas eu droit à une visite jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on sait, c'est que, selon les plans, il y a juste un vestiaire pour une équipe majeure qui est prévue dans le Colisée de Trois-Rivières. Ben, j'imagine qu'il y a donc moyen de trouver une façon, une solution à ça. T'sais, on dit peut-être qu'il y a chaque problème. Écoute, moi, je me dis, si le Staples, et puis ça, je l'ai vu, je l'ai mis sur les médias sociaux ce matin, les Staples Center, au Staples, on a les Clippers, les Lakers, les Kings, on a des spectacles. On est capable de tout rentrer ça dans un amphithéâtre. J'imagine qu'il y a une solution. Ça se peut quasiment pas. Je vais être un peu en désaccord avec toi, Danny, là-dessus. Okay. Parce que quand ils ont construit le Staples Center, la grosse différence avec ce qu'on a à Trois-Rivières aujourd'hui, c'est que les Kings, les Lakers et les Clippers, ça existait déjà. Ouais. On savait que l'amphithéâtre devait abriter les trois équipes. Et à moins que je me trompe, le Staples Center est un amphithéâtre privé. À moins que je me trompe. Ouais. Je ne mettrais pas ma main au feu là, pour ça, là, mais je pense que c'est le cas. Mais on est sûr que les trois équipes existaient déjà. Là, à Trois-Rivières, on devait avoir un nouvel amphithéâtre parce que ceux qu'on a tombent carrément en désuétude, dont le vieux Colisée de Trois-Rivières. Par contre, la différence avec Los Angeles, c'est qu'il n'y a pas d'équipe à Trois-Rivières. Ouais. Ce ne sont que des projets qu'on a amenés dans les dernières années. Écoute, quand il a été question les premières années de la construction du nouveau Colisée, le maire Yves Lévesque, à l'époque, disait... Parce que c'était dans l'air que les Nordiques allaient revenir à Québec. Alors, lui voulait avoir le club école des Nordiques dans la Ligue américaine à Trois-Rivières. Ça, ça n'a pas marché, c'est tombé à l'eau. Alors, on s'est replié vers la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui, moi, mon humble opinion là-dedans, je pense que ce serait le produit d'appel le plus intéressant, mais la porte est fermée parce que les Cataractes de Shawinigan ont un droit de veto sur le territoire de la Mauricie et il n'est pas question d'expansion pour la Ligue junior majeur du Québec. Donc, on oublie ça également. Alors, on se retrouve avec... pas grand-chose nécessairement, parce que, oui, les Patriotes de l'UQTR, c'est une équipe qui est installée à Trois-Rivières depuis déjà des dizaines d'années. Par contre, les Patriotes peinent à attirer 150, 200 spectateurs à leurs matchs locaux. Ils jouent à peu près quoi? 12, 13 matchs locaux à chaque saison. C'est pas avec ça que tu vas remplir un Colisée pendant une année complète. Puis c'est un peu la même chose du côté de la East Coast League. C'est un produit qui est pas connu en Mauricie et on sait déjà que la East Coast serait, si ça s'emmenait à Trois-Rivières, ce serait un des amphithéâtres les plus petits de la Ligue et avec un budget d'opération de 4 millions de dollars. Ça, ce sont des chiffres que Marc-André Bergeron nous a donnés cet avant-midi. Le budget d'opération serait de 4 millions de dollars. Si on fait le calcul du nombre de matchs locaux à disputer par une équipe de la East Coast League, il ne joue pas 42 matchs locaux dans une saison avec un aréna de 5000 places. Je ne sais pas combien coûteraient les billets. Est-ce que ça marcherait? Il y a des gros doutes là-dessus actuellement en Mauricie. C'est peut-être que ça pourrait fonctionner, mais il y a des gros doutes. Mais c'est sûr que si le Canadien se joint à ça, il y a plus de chances avec la filiale du Rocket de Laval, en fait, parce qu'ils n'ont pas de club. C'est un des seuls clubs dans la Ligue nationale de hockey qui n'a pas de club ferme dans la East Coast. Il y en a 20... Encore là, Danny, oui, c'est sûr que s'il y avait l'image de marque du Canadien, ouais, ça serait un peu plus intéressant. Par contre, on va être honnête, le club-école du club-école, ouais, on voudrait voir, c'est des joueurs qui ont la chance d'atteindre le plus haut niveau. Puis on va être honnête, dans la East Coast League, oui, il y a des belles histoires à la Yanni Gourde qui sont passées par là et qui ont atteint la Ligue nationale. Ça peut arriver, mais c'est une infime minorité. Tu sais, ce qui circule un peu comme information à Trois-Rivières, c'est que la East Coast League au hockey, c'est un peu le niveau de la Ligue Canam au baseball. Puis on a les Aigles de Trois-Rivières au baseball, mais tu sais, ces joueurs sont des très bons joueurs de baseball, mais qui ont très peu de chances d'atteindre les plus hauts calibres. Et c'est ça que les amateurs voudraient voir, je pense, des joueurs qui auraient la chance d'aller dans des calibres supérieurs. Tu sais, ça pourrait marcher, je pense que oui. Par contre, il faut mentionner que depuis 25 ans, à Trois-Rivières, il n'y a pas aucune équipe qui a réussi à s'installer. Et je parle d'équipe majeure qui a réussi à s'installer et à survivre. Écoute, les plus hauts niveaux qu'on a eu dans les dernières années à Trois-Rivières, c'est la Ligue nord-américaine. C'est mort après quelques semaines. Mais là, le taux d'occupation, parce que là, il y a les Patriotes, je regarde ça, 16 matchs seulement pour les Patriotes de Trois-Rivières, mais est-ce que ce serait bien rempli? C'est sûr qu'il peut y avoir du patinage libre, il peut y avoir des équipes bantam, il peut y avoir des équipes junior 2A. C'est quoi? Là, sans être un club majeur, est-ce que le taux d'occupation est déjà assuré? Écoute, à la base, ce qui a poussé les autorités municipales à donner le coup d'envoi pour construire le Colisée Trois-Rivières, c'est qu'il manque de glace à Trois-Rivières actuellement. Puis plus tôt dans l'entretien, Danny, je le disais, le Colisée Trois-Rivières, le vieux Colisée là, qui est là depuis 1938, c'est désuet depuis à peu près une trentaine d'années. Puis tu sais, en bon québécois, on met un plaster sur le bobo là avec le Colisée Trois-Rivières. Il y a l'aréna Jean-Guy Talbot dans le secteur Cap de la Madeleine qui va être démolie au cours de la prochaine année parce que ça aussi c'est totalement désuet. Il y a une autre aréna dans le secteur Trois-Rivières-Ouest, Jérôme Côte-Noire, qui est pas un aréna flambant neuf non plus. Alors on avait besoin de nouvelles infrastructures de glace du côté de Trois-Rivières. Parce que le Colisée qui est en construction va en comprendre deux glaces. Une régulière, là, 200 pieds par 85, puis une un peu plus petite qui va servir, entre autres, pour le hockey mineur. Oui, ça, c'est déjà prévu qu'il y aura de la place pour les activités de la ville de Trois-Rivières. Du hockey mineur, du patinage artistique. Il y a déjà des choses qui seront prévues là-dedans. Quel sera le taux d'occupation en termes de soirée? Je ne sais pas. Honnêtement, Danny, j'ai pas les chiffres par cœur. Il est question aussi qu'on attire des spectacles dans le Colisée de Trois-Rivières. Tu sais, côté salle de spectacle à Trois-Rivières, on commence à être choyé pas pire parce que il y a la salle J. Antonio Thompson, qui est la salle de spectacle régulière, une salle fermée. On a l'amphithéâtre Cogeco, qui est là depuis 2014, qui permet d'attirer maintenant des artistes de renommée internationale. Mais ça, c'est une salle extérieure en été. Est-ce que le Colisée de Trois-Rivières pourrait pas venir combler des salles, un besoin de salle de spectacle à 5000 places en période hivernale? Ça pourrait être le cas. Mais le taux d'occupation du Colisée, ça, malheureusement, je serais bien mal placé aujourd'hui pour te donner un chiffre. Là. Dernière question, Claude, je pense que c'est le descripteur des matchs des Aigles aussi, hein? Je l'ai été, moi, la première année en 2013. Après ça, pour des raisons familiales et professionnelles, j'ai abandonné. J'ai beaucoup aimé, mais c'était beaucoup de travail. Penses-tu que Jason Therrien, tu sais c'est qui Jason Therrien? Oui. OK, penses-tu que ça... Écoute, là, je lisais qu'il était sans contrat avec l'équipe de. Il était joueur autonome. Ça fait 2 ans qu'il se remet de l'opération Tommy John. Moi, je disais que. Tu sais, des Jason Therrien, on l'aime bien, puis c'est parce que c'est un Québécois, mais des Jason Therrien, dans les ligues mineures, il y en a beaucoup. Là. T'sais, c'est un lanceur droitier, lanceur de relève, il a bien beau avoir des bonnes statistiques, il y en a beaucoup pareil. Moi, je me disais, peut-être qu'un passage obligé par les Capitales ou les Aigles de Trois-Rivières pourrait être la solution pour retourner dans la ligue du baseball affilié. Est-ce que tu penses? T'es d'accord avec moi là-dessus? Ben, écoute, moi, je n'ai pas suivi honnêtement son parcours dans les dernières saisons. Oui, j'ai entendu parler un peu de Jason Therrien. Je suis d'accord avec toi que des lanceurs de ce calibre-là dans le baseball mineur, il y en a à la pocheter. Des Jason Therrien, puis tu sais, Philippe Aumont également, c'est un peu pas mal la même affaire. Philippe Aumont l'a fait, lui, le passage dans la Ligue Canane avec, entre autres, les champions d'Ottawa. Puis à moins que je me trompe, Philippe Aumont a re-signé avec une équipe des Blue Jays. Major pour être dans le baseball affilié. Ça pourrait peut-être être une bonne chose à faire pour Jason Therrien. Tu sais quoi, il y en a des joueurs, des aigles, qui sont passés à Trois-Rivières dans les dernières années, qui ont signé dans le baseball affilié. Ça a été le cas encore il y a quelques jours avec un lanceur qui était là l'année dernière, qui a signé dans l'organisation des Brewers de Milwaukee. Peut-être que ça peut aider Therrien, mais je suis d'accord avec toi. Et là, je ne veux pas être plate. Ouais. C'est un Québécois, on aimerait ça qu'il réussisse. Mais des lanceurs de son calibre dans le baseball mineur, il y en a plein. Il y en a plus qu'un, là. Oui, effectivement. Puis je me disais, c'est pas un... Puis surtout que la Ligue va changer, là. Cette année, c'est la Ligue Frontier. Beaucoup plus sérieux. En tout cas, il y a des équipes... j'ai parlé avec Michel Laplante, puis il y a des équipes beaucoup, qui sont près des gros marchés, là. Fait que c'est beaucoup plus intéressant, là. Oui, puis tu sais, c'est ce que ça amène comme questionnement, Danny, à Trois-Rivières, ce changement de Ligue-là. Ouais. C'est que pour les aigles, probablement, ça va vouloir dire... une hausse assez importante du budget de fonctionnement des aigles de Trois-Rivières. Ouais. Tu sais que les aigles ont failli terminer au cours des derniers mois. Il y a eu d'ailleurs une grosse bisbée au conseil municipal parce que le conseil a décidé d'augmenter l'aide financière apportée aux aigles. Ça faisait pas l'affaire de quelques conseillers. Et c'est venu très, très proche là, qu'on perde les aigles de Trois-Rivières de la Ligue Canam. Tu sais, les aigles sont là depuis 2013, mais eux autres aussi, je fais un peu le parallèle avec la East Coast League, Danny. C'est quand les aigles sont venus au monde en 2013, on disait que ça prendrait à peu près 2000 personnes par match pour que ce soit rentable. Mais tu sais quoi, 2000 personnes par match, 50 matchs dans un été à Trois-Rivières, c'est un énorme défi. Et ce qui circule aussi comme chiffre pour une équipe de hockey de la East Coast League, c'est que ça prendrait 2000-2500 personnes par match. C'est un très, très, très gros défi. Et tu sais quoi, les aigles de la Ligue Can-Am, et l'équipe de la East Coast League ont un point en commun, parce que celui qui était président des aigles à venir jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est Marc-André Bergeron. Oui, effectivement, l'ancien. Qui maintenant s'implique avec le dossier de la East Coast League à Trois-Rivières. Effectivement. Mais Claude Boucher, très apprécié, on se reparle, qu'est-ce qui se passe, de quoi qui m'intéresse à Trois-Rivières. Écoute, Danny, juste en terminant, aujourd'hui, c'était la présentation du projet de la East Coast League. Les Patriotes ont présenté le leur il y a deux semaines. La Ville avait déjà donné comme date butoir le 7 février. C'est vendredi. Donc, les promoteurs, même si leur présentation est faite, peuvent encore déposer des documents à la Ville d'ici vendredi. Et après quoi, le conseil municipal va prendre ça en délibération. Et on rendra éventuellement une décision parce qu'il n'y a pas de date précise. Il y a trois options qui se présentent pour le conseil d'année en terminant. Le projet des Patriotes. Le deuxième, c'est le projet de la East Coast League. Ou encore... la cohabitation entre les deux équipes. Ben moi, j'espère que ça va être la cohabitation, parce que je verrai ce qu'on regarde. Il doit y avoir moyen de trouver une solution à quelque part, certain, si tout le monde est de bonne foi. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a déjà dit, il y a toujours moyen de moyenner. Ouais. Voilà. OK. Ben, Claude Boucher de Cogeco Trois-Rivières, un gros, gros merci. Salut, Danny. Voilà, Claude Boucher de Cogeco Trois-Rivières.